Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Lire en Bulle. Aujourd'hui, je suis avec Dorothy aka Baptiste ou Baptiste aka Dorothy, comme vous voulez. Les deux, ça marche. Salut Geoffrey, ça fait plaisir d'être là. Et ça fait très longtemps, en plus on les a lus il y a un bon moment, parce qu'aujourd'hui on va reprendre ta fresque. Après les 2-11-0, on va attaquer un vrai comics, année 1. Batman année 1, du coup, dans la fresque, c'est le troisième dans l'ordre chronologique, mais c'est le volume 59 que j'ai reçu. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais peut-être lire le résumé officiel, et puis après, on va pouvoir débattre autour d'un merveilleux comics. Alors, c'est parti. Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime. Mais sa tâche ne sera pas aisée. Face à la corruption, les autorités de la ville et leur lien avec la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va forger une alliance avec un policier nouveau venu à Gotham, le lieutenant James Gordon. C'est scénarisé par, je ne sais pas vraiment s'il faut le présenter ou pas, mais par l'incroyable Frank Miller qu'on a pu voir dans Ronin, Daredevil, Sin City. Je crois qu'avant, il avait fait The Dark Knight Returns. Et donc là, il a réimaginé les origin stories du personnage et c'est dessiné par David Mazzucchelli qui avait travaillé sur Daredevil entre autres. Donc voilà, maintenant que j'ai donné tout, donne-moi ton avis sur ce manga. Sur ce comics, merde. Sur mon comics, oui. Visuellement, on sent que c'est quand même assez vieux. Hein, on sent que c'est pas du comics très récent, parce que je lui date de 88, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier, continue. Ouais, voilà. Mais c'est un style qui passe très bien parce que les couleurs utilisées pour rendre bien le côté de la ville très sombre, éclairée avec des lumières de la ville, les lampadaires, quand il y a des explosions, ça rend ultra bien. Et l'histoire est très très intéressante, justement. On suit l'évolution de Bruce Wayne dans le rôle de Batman, ses débuts, et essayer de se trouver un costume correct et essayer de se faire un nom dans la ville tout en luttant contre la mafia. Je trouve ça très intéressant parce que ça change de ce qu'on a pu voir où il se bat toujours contre des méchants assez connus, on va dire. Là, c'est vraiment la mafia, quoi. Donc, ça, on peut se dire, ça peut arriver, quoi. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Tu lis le tome et tu peux dire, ouais, la mafia, ça existe. Si un mec, un jour, il veut faire ça, il pourrait faire ça, quoi. Alors, toi, Geoffrey ? Moi, de mon côté, ce que j'aime beaucoup dans Batman, hein, c'est que bon, tu le prends. Déjà, il y a une chronologie. Tu ouvres la première page du manga, il commence par 4 janvier, avec l'arrivée de Jim Gordon. Quelques jours plus tard, c'est l'arrivée de Bruce Wayne. Et voilà, donc ça, c'est déjà un point fort. Le second point fort que j'ai beaucoup kiffé à ce manga, c'est que on va y arriver. C'est que on voit un Batman, enfin on voit un Bruce Wayne qui arrive complètement hésitant. On ne sait pas vers quoi il va se tourner. Il le sait pas lui-même. Il part au début pour essayer de se camoufler en se mettant des déguisements. Et puis après, il arrive au fur et à mesure vers le déguisement de Batman. Et puis là, après, il a eu cette révélation du Batman avec la chauve-souris qui arrive contre la vitre. Il me semble que c'est un peu pareil dans 11-0. C'est peut-être un clin d'œil de Snyder pour Miller, mais voilà, tout est très bien amené et on voit également la création de super vilains au fur et à mesure. Donc on peut parler de Catwoman qui arrive un peu au hasard. On peut voir également une double vie que mène Bruce en disant oui, ben je me suis skié mais je me suis cassé une jambe. On voit le côté désinvolte de Bruce. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon comics. On voit Jim Gordon qui est blanc comme neige dans Année 1. On n'essaye pas de nous faire croire autre chose. On voit également le Jim Gordon, si honnête, si propre, faire un adultère à sa femme. Donc non, honnêtement, contrairement à Année 0 où je garde la première moitié, Année 1, je garde 100% du comics, que je trouve excellent. Ouais, moi aussi, franchement, du début à la fin, l'histoire est prenante. T'as vraiment, tu tournes une page, t'as envie de savoir ce qui se passe après. C'est très très bien rythmé. Donc ouais, franchement, comme tu l'as dit, j'avais parlé justement de James Gordon, justement, qui arrive dans une ville où il y a quasiment que des ripoux, et lui, il est blanc comme neige. Il essaye de faire, il essaye de se faire respecter parce qu'il n'est pas un ripoux. Ils essayent de le corrompre, mais ça marche pas. Mais du coup, ouais, c'est vraiment, c'est aussi bien ce qui est dans ce tome-là, c'est aussi bien le début de James Gordon que celui de Bruce Wayne en Batman, quoi. Et oui, et en plus, les deux personnages ont une espèce de journal qu'ils écrivent, qui est à la première personne et qui nous permettent de mettre un peu plus d'intensité dans cette histoire. Ouais, tout à fait. Et donc, non, honnêtement, Batman Année 1, un excellent comics, j'adore. Alors moi, je l'avais lu il y a quelques années. Je crois que j'avais vu également le film d'animation. C'était un vrai plaisir de me le relire. Et voilà. En fait, cette histoire de fresque me permet de refaire un peu de relecture de Batman. Et ça fait du bien. Bah ouais, enfin bon, c'est pas de la relecture, c'est de la lecture parce que j'ai pas lu, mais ça me permet aussi de voir des choses qui ont été faites un peu plus anciens, parce que quand j'achète des comics, souvent c'est ce qui est mis en avant, ou alors j'achète beaucoup de Batman, c'est souvent les dessins vont me plaire, c'est que je prends des dessins très modernes, donc c'est vrai que je pense que si je l'avais vu en boutique, je pense pas que je l'aurais pris, même si je pense que j'avais vu Frank Miller, je sais que c'est une valeur sûre, mais les chances qu'à l'époque, enfin, quand je dis en choix de comics, m'aurait un peu freiné. Du coup, l'avantage de cette fresque, c'est du coup, je l'ai, je suis obligé de le lire, quoi. Je veux dire, vas-y, je vais le lire. Et du coup, ça, c'est vraiment une bonne surprise. Alors, autre chose, et peut-être dernière chose que je voulais dire sur Batman Année 1. Alors, si j'avais dit que 11-0 s'était inspiré tantôt d'Année 1 et tantôt de Batman Begins, là on peut dire clairement que Batman Begins s'inspire complètement de Année 1 pour plusieurs choses, donc les flics répous, le lieutenant Gordon également qui n'est pas commissaire au début de Batman Année 1. On peut voir la transformation de Bruce Wayne qui se fait au fur et à mesure comme dans Batman Begins. La scène où il est acculé par les policiers et qu'il fait appel aux chauves-souris, on le voit dans Batman Begins. Donc honnêtement, il y a énormément de clins d'œil de Batman Begins à Batman Année 1, et c'est quelque chose qui est juste génial. Ouais, c'est vrai, quand je l'ai lu, je me suis dit, pareil, ça me fait beaucoup penser au film, mais par rapport aux dates, c'est le film qui s'est beaucoup inspiré de ce tome, quoi. Voilà, exactement. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Bah ouais, carrément, rendre l'antenne. Après, juste pour dire qu'à la fin du coup de la fresque, il y avait juste un petit passage bonus, Batman Chronique 19, hiver 2000, où on pouvait suivre l'aventure de Batman qui essaie d'avoir une vie amoureuse, mais il comprend que c'est très compliqué en étant Bruce Wayne et Batman d'avoir une vie amoureuse. Ah, je crois pas que tu l'as dans le tome, c'est peut-être un rajout spécial pour le tome de la fresque. Ouais, je crois que c'est spécial. Ouais, bah voilà, c'est juste pour le signaler en plus qu'ils avaient rajouté un petit tome pour montrer que Bruce Wayne, on va dire, a envie d'avoir une relation amoureuse, mais il peut pas parce que le devoir de Batman passe au-dessus de ses envies personnelles. Voilà. Mais, écoute, parfait. Ben sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à très très bientôt dans un nouveau Lire en Bulle. Au revoir à tous, on se retrouve très vite.